moi. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et j'en viens à ce moment où je ne sais même pas pourquoi j'écris tous les jours dans la musique depuis que je suis tout petit. Comme une thérapie, je n'ai jamais rien lâché, même lorsque je crie que je ne veux plus de rien, il me restera toujours un peu de musique à voir. Certains artistes me demandent pourquoi pas moi. Ceux qui connaissent le succès n'ont pas plus de talent que moi. Peut-être un meilleur entourage, une meilleure destinée, être accompagné par des personnes qui savent t'estimer. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? J'ai pourtant moins gagné, mais au vu de ce qu'ils font, je préfère encore la pauvreté. On dirait des enfants qui s'emmerdent dans une cour de récré. Paix, l'anonymat, guerre et la célébrité. Je travaille plus que j'ai pourtant moins gagné, mais au vu de ce qu'ils font, je préfère encore la pauvreté. On dirait des enfants qui s'emmerdent dans une cour de récré. Paix, l'anonymat, guerre et la célébrité.